Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça bidibule ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Et pourtant, 74% de ma nuit fut corésienne, puisqu'aujourd'hui, président Chirac serait la personnalité politique préférée des Français, dis donc. Cela dit, c'est une chute de 8 points par rapport à son élection en 2002. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient ce matin ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 33 est un peu bancal. Bancal ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Oh, remarquez, deux guingois valent mieux que trois cloche-pieds. Alors là, vraiment, c'est vous qui êtes déglingué. Et cela dit, je ne vous jette pas la première pierre, mais plutôt la première brique. C'est parti, Berma. Berma, Bermadette, Corrèze Forever, évidemment c'est Dame Chirac. Non mais laissez-les tranquilles, bon sang, président Chirac, il a jamais eu autant de travail, il est débordé, il est à la recherche du temps perdu. Et d'ailleurs, c'est la deuxième brique, attention, Proust. Proust ? Madeleine ? Marie-Madeleine, la dernière tentation du Christ. Voilà, arrêtez, on va encore se faire insulter. Mais bon, remarquez, la dernière brique c'est divine. Ah, ok doc. La divine Berma de Proust, nous nous penchons bien sûr ce matin sur le formidable dossier Sarah Bernhardt. Alors allons-y, professeur Mauduit, et étudions le cas de cette tragédienne unijambiste. Maniez vous le train, les brigadiers, et apportez sur la peau le dossier de mademoiselle Bernhardt. Allez, Sarah, à table. Or, Sarah Bernhardt, il l'avait eu dans les relations de sa mère, des familiers de l'empereur et notamment le duc de Morny. Il était assez difficile d'être plus proche de Napoléon III. Sarah, Sarah. Oh, bonjour Bonaparte. Mademoiselle Sarah, regardez, vous êtes déjà toute décoiffée. Venez ici, je vais vous recoiffer. Et elle n'était pas sans quelques perplexités sur les premiers contacts qu'elle allait avoir aux répétitions avec cet ogre. Sarah Bernhardt, courtisane réputée sous le Second Empire, vous êtes devenue la comédienne la plus célèbre de la Troisième République. En 1862, à 18 piges, vous entrez à la Comédie Française. 50 ans plus tard, vous êtes une pionnière du cinéma muet. Des coulisses napoléoniennes à la pellicule des Frères Lumière, votre parcours est fascinant, Sarah Bernhardt, n'est-ce pas ? Néanmoins, et sans plus attendre, débutons notre séance par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous turlupine précisément au cœur de votre structure mentale. Mais voyez-vous, professeur Colin, ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est l'évidente invulnérabilité psychique de notre patiente. Car Sarah Bernhardt a résisté à tout, ou presque tout, à tel point que sa devise fut quand même, autrement dit, malgré tout, ce qui, bien sûr, force à le respect, y compris au maître Sacha Guitry. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice, absolument géniale. Je dirais même plus géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié d'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait, faut-il qu'il soit bête. Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois d'ailleurs la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Elle est allée jusque chez les Peaux-Rouges. Elle a joué devant eux en plein air et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en signe d'allégresse. Et un jour qu'elle partait pour sa propriété de Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui lui-même allait à la campagne, et lui dit « Merci de vous être dérangé ». Eh oui, même sous le regard éberlué du préfet de police, Sarah Bernard ne doutait de rien. Car mieux que personne, elle savait qu'avoir du toupet te rassasie alors que la timidité te fait crever de faim. Ainsi, devant une telle arrogance, nous avons maintenant 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre tragédienne cosmique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre comédienne digne de François-Joseph Talma par la rengaine d'une autre pittoresque Sarah. Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, bye. Boy, baby, I'm gonna kiss you goodbye and go right through that doorway. So should stare at the back of my head. If you write a letter to me, my former friend, don't you end with an RSVP. I'm going bye-bye. I'm moving. Tomorrow I may be splitting to Britain or Norway. I'm saying bye. C'était Sarah Vaughan en 1964 et elle est sûre, Sarah. Sarah sûre. Sarah a donné au siècle qui l'a fait naître et qui l'a écouté une sorte d'insolation inguérissable. Tous ceux qui ont connu Sarah, dans sa jeunesse, dans son âge mûr et dans son extrême vieillesse, ont subi cette insolation et n'en guériront point. Mais jamais actrice n'a répandu un tel charme et une telle magie. Avant tout, le ministère psychique remercie gaillardement le professeur Gaillard pour cette introduction gaillarde au cas psychique qui nous intéresse aujourd'hui, puisque notre ministère reçoit ici ce matin la grande prêtresse dramatique de la scène parisienne, l'incontournable Sarah Bernard. Sarah Bernard est entrée sur la scène de la vie à Paris, le 22 octobre 1844. Fille d'une courtisane réputée, elle suit la tradition familiale et use de ses charmes pour faire sa place dans le monde du théâtre. Ainsi, c'est par le demi-frère de l'empereur Napoléon III, le duc de Morny, que Sarah obtient, en 1859, la chance d'entrer au Conservatoire d'art dramatique de Paris. Mets le grappin sur ce duc et tu deviendras la reine de toutes les grandes scènes d'Europe. Je serai une vraie actrice, Marie. Une grande actrice. Et je pourrai enfin m'enfuir d'ici. Oh oui, je pourrai m'enfuir loin, très loin d'ici. Sadine, ça va, mon petit chou? Oui, oui. Dieu soit loué. Tu as littéralement envoûté le duc tout à l'heure sur la piste. Comment me trouves-tu? Suffisamment provocant. Oh, ma petite face des mois! Comment pourrait-il résister au désir de te gober ce soir? Décidément, tout va à merveille! Décidément, tout va à merveille pour Sarah Bernard, qui connaît très vite le succès, aussi bien à la Comédie-Française qu'au théâtre de l'Odéon, ou encore dans sa propre salle, le théâtre de la Renaissance, puis enfin au théâtre de la ville, Sarah Bernhard. Et ce matin, le ministère a exhumé pour toi cet enregistrement authentique de la voix de Sarah Bernhard récitant un extrait de La Légende des siècles de Victor Hugo. Si tu veux, faisons un rêve, montons sur deux pas le froid, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Tends bien l'oreille, c'est inaudible, mais patrimonial. Si tu veux, faisons un rêve, montons sur deux pas le froid, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois, je suis ton maître et ta foi, partons, c'est la fin du jour, mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Voilà, c'est bien Sarah Bernhard que l'on vient d'entendre, cette voix en or qui a déplacé les foules pour des pièces qu'elle a magnifiées, Phèdre, L'Aiglon, La Dame aux Camélias ou encore Hernani. Sarah Bernhard a été une star, adulée et déifiée dès qu'elle montait sur les planches, à Paris bien sûr, mais aussi lors de ses tournées en Europe et même aux États-Unis. Quoique là, ça se discute. Pauvre Sarah Bernhard, pauvre amante passionnée de la renommée. Si elle a quelquefois péché pour trop aimer le tapage, elle a été bien punie là-bas par où elle a péché. Les purs pasteurs méthodiques ne connaissaient pas d'autre matière à leur serment que ce maudit serpent de France venu pour empoisonner les mœurs de la pieuse Amérique. Il lui prédisait en chair le sort de Jézabel. Il se réunissait en synode ou en consistoire pour vider la question théologique de savoir jusqu'à quel point on pouvait faire visite à mademoiselle Sarah Bernhard, personne privée, sans encourir la damnation éternelle. Nous négligeons les spéculations odieuses et burlesques, les brochures et volumes tels que Les Amours de mademoiselle Sarah Bernhard, dont l'annonce en chiffres gigantesques sur toile peinte était colportée à travers les avenues des villes par les charrettes. Le bon peuple les lisait. Dans cette Sarah qui, selon le livre, avait tour à tour détourné de leur devoir et débauché l'empereur Napoléon III, le tsar russe et le pape Pie IX, point d'exclamation et double point d'interrogation, il reconnaissait sans hésitation le léopard à sept têtes et à six cornes de l'Apocalypse. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Le léopard à sept têtes et à six cornes de l'Apocalypse. C'est sans doute encore trop peu excentrique en comparaison de la vraie Sarah Bernhard, qui a su faire de sa vie un véritable spectacle, scandé par d'incessantes représentations théâtrales où Sarah continue de jouer avec succès les rôles de jeune femme malgré l'âge qui avance et malgré ses doutes. Ça vous fait quoi, vous, de vieillir ? Bah enfin, vous n'êtes pas vieille, vous êtes superbe. Non, je vous demandais quel effet ça vous faisait à vous de vieillir. Enfin, je veux dire, ça vous embête pas ? C'est pas vraiment une chose à laquelle je pense. Ah bon ? Oh, disons que j'ai eu quelques soucis à cause de mes cheveux. Il y a 3-4 ans, ils commençaient à tomber. Ben, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Vous êtes contente de l'avoir fait ? Ça va, je me sens bien. J'aurais jamais essayé, sinon je l'ai fait pour mieux m'accepter. Le but est atteint. Je me regarde dans le miroir. On dirait que c'est moi. Oui, mais c'est différent pour les mecs. Vous savez, dans ce domaine-là, franchement, j'ai quand même beaucoup de mal à vous plaindre. Je suis persuadé que vous n'avez pas changé depuis vos 29 ans. En tout cas, j'ai plus les fesses que j'avais. Plus ronde ? Oui. C'est tout ce qui vous ennuie ? J'ai toujours l'impression de repartir à zéro. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à servir les autres. Eh oui, Sarah Bernhard a passé sa vie à servir du plaisir aux spectateurs en enchaînant les représentations. Pourtant, la comédienne adulée a su se construire un havre de paix dans l'exubérance, bien sûr, à Belle-Île-en-Mer où elle mit ses activités théâtrales en vacances. Vacances, nous rejoignons aujourd'hui Henri Vincent qui se trouve à Belle-Île-en-Mer et qui a visité le musée de la Citadelle. Oh, ma jolie Sarah. Sarah Bernhard, en effet, a passé des vacances ici à Belle-Île, à la pointe des Poulains, où elle possédait un fort. Belle-Île-en-Mer, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Saint. La pointe des Poulains, à Belle-Île-en-Mer, c'est le nid douillet de Sarah Bernhard quand elle n'est pas sur les planches. Cet ancien fortin militaire fut transformée en une étrange ménagerie où l'illustre tragédienne aimait à se retirer entre deux projets, elle qui fut sans cesse sollicitée, même âgée et affaiblie par la maladie, amputée d'une jambe, comme nous le racontait en 1950 le poète Blaise Cendrars. Je sais que vous avez eu la chance de rencontrer Sarah Bernhardt dans les dernières années de sa vie. La chance, plutôt le malheur, pas durant les dernières années, la dernière semaine de sa vie, quand un metteur en scène américain, qui la payait fort cher, voulait absolument qu'il tournât, afin qu'il ne perdît point son argent, et il l'a littéralement épuisé. Elle était dopée comme un cheval de course. Bon, c'était effrayant, c'était un spectacle épouvantable. Mais vous l'avez vu mourir. Ah oui, oui, oui. C'est un film idiot qui se passait au Chat Noir. Elle avait un rôle de sorcière, de je ne sais pas trop quoi. Elle était déguisée, elle avait un tourlutu pointu d'astrologue sur la tête. Hein, tout ça était d'une idiotie, son nom. Et ce film se passait chez elle, dans son appartement? Non, on tournait chez elle parce qu'on ne pouvait pas l'amener au studio, on ne pouvait pas l'amener dans son théâtre ni au studio. Et naturellement, on n'entendait pas sa voix puisque c'est un film. Mais... C'était encore muet. C'était encore du temps du muet. Eh oui, Sarah Bernhardt s'est donnée au spectateur jusqu'au dernier jour de sa vie, le 26 mars 1923. Travailler jusqu'à la mort, sans doute aujourd'hui un modèle que beaucoup de nos dirigeants envisagent pour les intermittents du spectacle, et pour tous les autres aussi d'ailleurs. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Sarah Bernhardt demeure une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir son dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous voici ce matin devant le dossier. Non pas d'un fauteuil d'orchestre élimé, mais d'une véritable star de la scène, la divine Sarah Bernhardt. Nous nous retrouvons donc à nouveau face à un mythe gigantesque. Et c'est bien connu, pour les mythes, ce n'est pas la taille qui compte, car Sarah Bernhardt, c'est surtout l'achèvement d'un lent processus qui a fait passer l'actrice de la paria adulée à la star vénérée, comme l'a étudié l'historienne Anne-Martin Fugier dans ses travaux sur les comédiennes. Ainsi, au XVIIIe siècle, dans la nuit du 22 au 23 mars 1730, la tragédienne Adrienne Lecouvreur, pourtant gloire du théâtre et maîtresse de Maurice de Saxe, le futur maréchal, est enterrée à la Sauvette, dans le marais de la Grenouillère, près du Champ de Mars à Paris. L'Église a en effet refusé d'accorder les derniers sacrements à la Lecouvreur, qui fut inhumée en catimini par ses amis, dont Voltaire. À l'inverse, deux siècles plus tard, tout a changé, en 1923, pour les funérailles de Sarah Bernhardt, qui a d'ailleurs interprété le rôle d'Adrienne Lecouvreur dans un film en 1913, la comédienne a droit à un hommage quasi-national avec des milliers de personnes éplorées derrière son corbillard première classe. Sarah Bernhardt est donc le stéréotype de la comédienne du 19e siècle. Issue d'une famille pauvre, elle est devenue quelque peu cocotte, mais Sarah a bénéficié du travail social de ses devancières, telles Mademoiselle Georges, Mademoiselle Mars ou encore Rachel, qui ont permis aux comédiennes d'obtenir leur autonomie artistique et la légitimité sociale. Sarah Bernhardt fut donc une star et acceptée comme telle. Elle draina les foules dans les salles parisiennes, dans l'Europe entière et même aux États-Unis, et cela jusqu'à la fin de sa vie, vieillie, amputé et affublé d'une jambe de bois. Ce qui permit d'ailleurs au divin Sacha Guitry, le maître du bon mot, quand il entendit le brigadier frapper les trois coups annonçant le début de la pièce, de s'écrier « Elle arrive !» Oui, l'arrivée de Sarah Bernhardt ne passait jamais inaperçue, elle qui était une véritable présence dont l'écho nous poursuit aujourd'hui encore. Et pourtant, comme pour toute star, il ne faut pas amplifier la rémanence de l'aura de Sarah. Car comme aimait le raconter avec perfidie le littérateur Aurélien Scholl, un fiacre vide s'arrête devant le théâtre français et Sarah Bernhardt en descend. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Suractivité démesurée et volonté perpétuelle de charmer. Un comportement quasi présidentiel. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente, toujours entourée de ses fans, mais comme toute vraie star, toujours un peu seule. Je n'ai personne où aller quand le cœur se fait trop sombre, que la lumière devient l'ombre et que mon âme est trouée. Je n'ai personne où aller, pas de ventre où poser ma tête, pour étouffer la petite bête qui me ronge les pensées. Un tombeau de solitude que l'on garde par habitude, un petit morceau d'inquiétude. Je n'ai personne où aller, et chaque recoin du monde est là pour me le rappeler, seconde après seconde. Je n'ai personne où aller. Personne où aller, mes yeux se ferment pour me dire qu'il serait temps d'en finir, et se met à pleurer, et se met à pleurer, à pleurer. Jérémiades de Saul, le Saul pleureur, bien sûr. Mais revenons immédiatement à notre dame aux camélias, Mademoiselle Sarah Bernard. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Alors maintenant, après avoir pris connaissance des grandes étapes existentielles constitutives de la structure mentale de notre patiente, il est temps, me semble-t-il, d'essayer de comprendre comment s'est forgée la mécanique excentrique du psychisme de Sarah Bernard. Avant tout, sache que la donzelle n'a jamais connu d'autorité paternelle. La figure tutélaire du père n'existe pas dans la vie de Sarah Bernard. Résultat, en 1859, à l'âge de 15 ans, elle est d'ores et déjà une jeune femme de caractère et qui ne craint pas, figure-toi, d'affronter les foudres de Napoléon III quand il s'inquiète de ce qu'elle veut faire de sa vie. Si tu ne me dis pas ce que tu as fait tantôt, je te bouclerai, moi, comme un bleu, entends-tu? Comme un bleu. Je me suis présentée au conservatoire. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que j'ai toujours aimé le théâtre. Oh, ça, t'as alors, toujours eu des goûts bizarres. Silence, la boutique. Et alors? Le théâtre, tu comprends, c'est une autre vie. Un autre monde. Un autre monde. Non, ce qu'il faut entendre. Comme s'il y avait plusieurs mondes. Ah, c'est à pouffer. Et alors? Alors, depuis un an, j'ai travaillé plusieurs rôles en cachette. Qui peut tout. Elle travaillait au lieu de repasser. Ah, mais toi, tais-toi. Silence la boutique. Et alors? Alors, je me suis présentée dans la mégère apprivoisée et je suis admise. T'as un premier prix? Ah non, je suis admise comme élève. Et alors? Les cours commencent en octobre. Enfin, tout de même, c'est un succès. Un succès? Je vais t'apprendre à apprivoiser des mégères. Moi, allez, dans ta chambre, immédiatement. Allez, trotte! Et silence la boutique! J'aurais pas servi pendant 15 ans. Mon 103e d'infanterie, votre panier, ça prend des enneries derrière mon nom! Malgré les réticences de son entourage, Sarah s'entête et quitte sa piaule pour entrer au Conservatoire d'art dramatique en octobre 1859. Trois ans plus tard, la Comédie française la flanque sur ses planches où les vieux pensionnaires de la maison de Molière expliquent à Sarah Bernhard l'essence des gens de théâtre. Nous sommes tous des anormaux dans notre milieu. Les gens de théâtre constituent un monde à part du reste de l'humanité. Je suis d'accord sur ceci. Pour devenir un bon acteur ou se distinguer dans une branche quelconque du théâtre, il faut le désirer plus que tout au monde. Oui, c'est si vrai. Ça demande une concentration d'esprit, une ambition, des sacrifices comme aucune autre profession n'en exige. Et je vous accorde que pour accepter de pareilles conditions, il ne faut pas être comme tout le monde. Il ne faut pas être n'importe qui. On donne vraiment beaucoup pour recevoir très peu. Très peu? Vous avez dit très peu? Il y a les applaudissements et c'est immense. Dans les coulisses, j'ai entendu le public applaudir. C'est comme des vagues d'amour qui franchissent la rampe et viennent vous envelopper. Imaginez, savoir que chaque soir, des centaines de gens vous admirent et vous aiment. Leurs yeux brillent, ils vous sourient, vous les charmez. Ils vous adoptent, ils vous veulent. Rien que cela vaut n'importe quel sacrifice. Oui, pour combler son appétit de reconnaissance aux yeux du public, Sarah Bernhard est prête à beaucoup de sacrifices, mais aussi à prendre bien des risques. Par exemple, n'oublie jamais qu'elle fut surnommée la Voix d'Or, la marque de fabrique de toute une carrière. Et pourtant, elle n'a pas hésité une seule seconde, sur la fin de sa vie, à devenir l'une des premières actrices du cinéma muet. Par ailleurs, en 1880, après quelques triomphes parisiens, notamment dans le rôle de Phèdre, elle claque la porte du Français avec fracas et crée sa propre compagnie de théâtre avec laquelle elle interprète surtout des rôles de travestie, en particulier sous les traits d'Hamlet. Au passage, comme l'a si bien écrit Sacha Guitry, ce qui évoque la mémoire et les excentricités de Sarah Bernhard, simplement comme celle d'une actrice de son époque, n'ont rien compris. Car si elle revenait, elle serait assurément une actrice de leur époque. D'ailleurs, où que ce soit, Sarah Bernhard adorait déstabiliser ses interlocuteurs et particulièrement dans ses appartements parisiens. Oui, alors même à Paris, ça commence par Paris, puisque à Paris, elle avait des panthères, elle avait des serpents, elle était ravie. Ça faisait partie de sa provocation, c'est-à-dire que lorsque Arthur Meyer, par exemple, le directeur du Gaulois, vient chez elle à Paris, il est blanc de peur parce qu'il y a un énorme tigre qui lui lèche la jambe. C'est surtout une provocation, en fait, car elle avait un talent fabuleux pour la provocation. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle était d'abord le monstre sacré, terme inventé par Cocteau, mais elle était la première star. Et on voit bien, après, ce que tous les stars du cinéma, Ava Gardner, etc., ont pu en faire. À quel moment une actrice décide-t-elle que ce sont ses mots qu'elle dit et ses pensées qu'elle exprime? Généralement, au moment où il faut qu'elle les réécrive entièrement pour empêcher les spectateurs de quitter le théâtre. Il est grand temps que le piano se rende compte qu'il n'a pas écrit le concerto. Certes, mais ce n'est absolument pas la pensée de Sarah Bernhard, car pour elle, il ne faut jamais renoncer à essayer d'inverser le cours des choses en sa faveur. Tiens, en 1905, par exemple, lors d'une tournée au Canada, l'archevêque de Québec, qui forcément détestait le théâtre, puisque selon Guitry, il est né de l'Église et qu'elle ne lui pardonnera jamais, eh ben, Monseigneur donc exigea de ses ouailles qu'il boycotte la représentation de cette diablesse. Eh bien, vaille que vaille, devant une assemblée fantôme, Sarah Bernhard, impériale ou républicaine, joua son rôle quand même. Oui, ne jamais renoncer quand bien même, en 1915, à 71 ans, la gangrène lui confisqua une jambe. Elle a naturellement reçu en cadeau ou en acquisition toutes les jambes de prothèses possibles et imaginables, et de tous les pays. Je me suis pété la canne. T'inquiète, je t'ai bricolé une prothèse. J'ai tellement confiance en toi. J'ai toujours cru en toi. Tout cela était très lourd, elle essaya tout, et elle ne put jamais, jamais en supporter une seule. On chercha donc autre chose, et on lui fabriqua des spectacles. Et notamment, un de ses amis, qui s'appelait Morand, lui fabriqua un spectacle de circonstances qui s'appelait « Les cathédrales » et où l'on voyait, oh oui, évidemment, c'était un peu péril, rangées en cercle sur la scène toutes les cathédrales de France. Et bien entendu, c'était le rôle de la cathédrale de Strasbourg était dévolu à Sarah Bernhardt. Et alors, on l'installait en scène, le rideau baissé, assise, amplement drapée. Et puis, on levait le rideau, elle était en place, comme nous disons dans l'argot de théâtre. La pièce se déroulait ainsi, et puis après, on l'emportait dans les bras, une fois le rideau baissé. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. Oui, même sur une jambe, Sarah Bernhardt tenta sans cesse de s'affranchir des contraintes. D'ailleurs, dès à présent, nous allons découvrir, par le truchement d'une enquête pointue, produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, que Sarah Bernhardt s'amusa même à défier la mort. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression autour de l'ultime excentricité de notre patiente. L'interne, pointez-vous au labo pour danser la sarabande! J'arrive, je sors de ma loge. That's the radio. Now wait a minute. Do you realize what you're saying? Professeur, pardon. La farfelue du jour serait donc la grande, l'excellente, que dis-je, la divine comédienne Sarah Bernhardt. Eh bien, sachez que pour ce dossier, j'ai bien planché. Et c'est à travers l'une de ses multiples excentricités, celle de dormir dans un cercueil, que la pathologie de Sarah Bernhardt s'est révélée. Ce cercueil. En a-t-on parlé et que n'a-t-on pas raconté? Qu'il était en verre, que Sarah ne se déplaçait jamais sans lui dans ses tournées, qu'elle y étudiait ses rôles, qu'elle s'y couchait en jouant la morte. Ce dernier détail est certainement vrai, puisqu'il existe un document photographique montrant Sarah couverte d'une palme couchée dans son cercueil, tel un tableau de Puvis de Chavannes. Mais cette habitude à roupiller dans un cercueil n'était pas que pour faire genre. En 1882, lors de son retour de Saint-Pétersbourg, Sarah Bernhardt regagnait la France en traversant d'étranges contrées d'Europe de l'Est. Quand un matin, alors qu'elle et sa troupe faisaient étape dans un relais château de Transylvanie, son metteur en scène, Victorien Sardou, fit remarquer d'étranges signes au moment de réveiller Madame. « De minuscules marques de piqûres à la base du cou. »« Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ?»« Mes amis, nous sommes entrés des pleins pieds dans les royaumes du surnaturel. La créature à laquelle nous avons affaire, c'est... Un vampire? Que nous dites-vous là? Voilà, je vous dis, un vampire. Alors, ce que vous essayez de nous faire admettre, c'est qu'une espèce de créature est entrée en volant par cette fenêtre et que c'est elle qui a bu son sang. Exact. Oui, Sarah Bernhardt était bel et bien devenue une femme vampire. Parce que, dans le courant de la soirée, cet oiseau de nuit qu'était Sarah n'avait pu s'empêcher de sympathiser avec certains autochtones transylvaniens. Vous n'avez pas peur d'être seule avec un vampire affamé? Non. Les vampires trahissent souvent ceux qui leur font confiance. Les humains trahissent aussi ceux qui leur font confiance. Et puis, je suis pas aussi idiote que ça. Peut-être pas, mais vous avez des artères très juteuses. D'ailleurs, ma préférée est celle qui met en valeur le pli de votre haine. Oh, taisez-vous, vous n'êtes qu'un petit pervers. Vous êtes peut-être un vampire, mais quand vous vous adressez à moi, j'exige un minimum d'égard. En tout cas, star ou pas star, rien n'arrête un vampire d'attaquer. Et Sarah en fut la victime. Mais en plus d'être vampirisée, Sarah Bernhardt fut envoûtée à tel point qu'elle était prête à tout lâcher pour rester auprès de sa nouvelle famille, malgré les avertissements de son fidèle metteur en scène. Sarah, vous avez vu ma robe? C'est eux qui me l'ont offerte pour le bal de ce soir. Le bal? Oui, le bal de minuit. Ici, dans ce château? Un bal? Ils seront tous présents. Sarah, vous devez venir avec moi. Je vous en conjure, oui. Demain matin, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. Mais Sarah Bernhard n'était pas de celles qui refusaient le rôle de reine de soirée. Ainsi, elle se rendit à ce fameux bal qui fut pour elle l'étape ultime dans sa consécration vampirique. Miséricorde. Maintenant, elle est bel et bien morte. Non, pas du tout. Elle est encore en vie. Elle est Nosferatu. Elle est italienne. Non, elle est morte vivante. Elle est condamnée à passer l'éternité dans les malheurs, à chasser les vivants comme un animal sauvage. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? That's the radio. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation au cœur des Carpates qui nous rappelle ce matin combien Sarah Bernhard a su vampiriser son public, y compris notre éminent confrère et père à tous, le professeur Sigmund Freud. Freud a d'un seul coup un choc. C'est là qu'il commence à comprendre qu'il y a la sexualité dans tous les phénomènes apparemment organiques. Il a trouvé la voix des femmes. Il est à Paris et par exemple, il va voir Sarah Bernhard. Il trouve ça très comique. Et de Sarah Bernhard, il écrit « Jamais je ne vis plus comique apparition que celle de Sarah au deuxième acte, où elle est vêtue d'une simple robe et où pourtant on cesse vite de rire tant chaque parcelle de sa petite personne vit et ensorcelle. » Et puis cette façon de séduire, d'implorer, d'étreindre. Incroyable, la manière dont elle se meut et dont chacun de ses membres et chacune de ses articulations agit avec elle. Curieuse créature. J'imagine qu'elle n'a nul besoin d'être différente dans la vie de ce qu'elle est sur la scène. Oui, tout est d'origine. Arrête de mater. Bien, après avoir découvert à l'instant que la présence de Sarah Bernhard sur scène n'est pas uniquement un héritage artistique, puisqu'elle aurait également permis à Freud de comprendre qu'il y a de la sexualité dans tous les phénomènes apparemment organiques, il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste justement à repérer les influences de la psyché de notre patiente dans notre joyeuse société du spectacle. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre sociétaire hors pair au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « Des planches du Palais Royal à l'hémicycle du Palais Bourbon, Sarah veille ». L'expert jungien, venez faire vos essais au labo ici et rendez-moi Montaigne. Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Exactement. Ce qu'il était intéressant de montrer, c'est de faire comprendre cette évolution de ce statut d'acteur qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, avec des moments très importants au XIXe siècle. Imaginez Madame Sarah Bernhard dans sa loge. Imaginez-la vers 1900-1902, un moment où elle est incroyablement glorieuse. Voyez-la illustre devant sa table à maquillage. La société a tellement évolué quand je considère depuis mon enfance ce qu'était la France, ce qu'était le monde, qui était épouvantable. Il faut bien se rendre compte qu'on se plaint beaucoup aujourd'hui. Entrez. Quelqu'un lui dit, madame, il y a là dans le couloir un journaliste, un jeune journaliste qui voudrait bien vous interviewer. Un petit entretien, ça lui ferait le plus grand bien dans son journal, ce serait d'un tel honneur pour lui. Simone Veil, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette émission un petit peu spéciale. Il se trouble, tout le monde d'ailleurs se troublait quand on la voyait pour la première fois. Venez donc vous asseoir là. Faire bouger les lignes, je pense évidemment à la question de l'avortement. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutiler à jamais. Et ces femmes, elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Sarah Bernhardt a vraiment utilisé merveilleusement tous ces médias pour pouvoir façonner une image. Je n'ai jamais entendu une chose aussi parfaitement stupide de ma vie. Et la dimension du combat, Simone Veil, elle est réelle? C'est-à-dire qu'il faut de la force, parfois même de la brutalité? Oui, moi j'aime combattre. Eh oui, monsieur Emmanuel, vous pouvez hocher la tête. Vous bougez, hochez la tête. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. Voici dans celle qui fit 10 fois le tour du monde en récitant des vers. Elle a vu tant de gens à ses pieds, elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Encore une fois, nous retrouvons ici cette légendaire arrogance teintée de panache chez Sarah Bernhardt. Cela dit, ce que nous trouvons charmant chez certaines peut rapidement nous gonfler chez d'autres. Car malheureusement, vois-tu, il ne suffit pas de déclamer un discours sur une estrade pour ensuite s'octroyer le droit de se comporter comme une diva. Alors, afin de venir en aide à certaines femmes publiques qui se prennent aujourd'hui pour des épigones de Sarah Bernhardt, le ministère psychique a décidé de leur prescrire immédiatement quelques précieux conseils d'art dramatique afin de se détacher au plus vite de ces néfastes troubles schizophréniques. Première patiente repérée par notre laboratoire, Madame Laurence Parisot, patronne du MEDEF, qui, bien souvent, tu l'as sans doute remarqué, tente des effets de scène lorsqu'elle se trouve devant ses collègues. Eh bien, tentons une étude comparée entre le jeu d'actrice de Sarah Bernhardt et les comportements de Laurence Parisot, sans oublier bien sûr de lui prescrire notre traitement. On a dit qu'elle était sublime ou exécrable, je crois que c'est André Cassolo, peut-être qu'il l'a dit ou qu'il le rapporte dans son livre. Je crois que c'était un personnage de démesure et les êtres de démesure ne peuvent pas offrir justement les critères habituels, se plier aux critères habituels. Et pourquoi vous ne faites pas une pièce comique? C'est bien parce que les gens, ils veulent qu'une chose, c'est se distraire. Ils veulent oublier leurs soucis. Ils n'ont pas envie de se... Vous voyez, regardez, ce soir, par exemple, c'était plein. Alors que la dernière fois, il y avait quoi? Il y avait la moitié de la salle, même pas. Bon, vous savez bien, ça m'avait plu, moi. Mais les gens, en général, ils préfèrent quand c'est drôle. Elle était extraordinaire, un verre sur quatre, ou une représentation sur quatre, n'est-ce pas? Je crois que parfois, elle était extraordinaire. Vraiment, elle vous arrachait des larmes, elle vous prenait à la gorge, et puis alors après, le ronron reprenait. Alors là, évidemment, on ne suivait plus. À mon avis, vous devriez faire du comique. C'est vrai, il a raison. Tu passes ton temps à jouer des drames, après tu cultonnes. Ah ben, d'accord, je vais essayer, là. Je vais faire du comique. Bon, nous suivrons de près si Madame Parisot se lance en effet dans une carrière comique. Encore que, elle l'a déjà commencé, puisqu'elle vient de créer un comité des sages afin de contrôler le revenu des patrons, où visiblement ce sont les grands patrons qui vont eux-mêmes fixer les règles de rémunération. Franchement, c'est drôle. Ensuite, seconde patiente de la matinée, Madame Rachida Dati, garde des Sceaux et autres divas, pour qui nous avons dépêché ce matin un formidable professeur de théâtre dans la lignée de Sarah Bernhardt, Monsieur Louis Jouvet, et qui va tenter d'offrir quelques précieux conseils à Madame Dati pour sa carrière théâtrale post-gouvernementale. Vous souvenez-vous de la scène de Catherine et de Petruccio dans La Mégère apprivoisée? Je n'ai pas été élevée dans un milieu cultivé. Jeune première. Ingénue dramatique. Moi, je reconnais. Aujourd'hui, je serai de nouveau nommé ministre aujourd'hui. Peut-être que je commencerai pas à travailler comme je l'ai fait au tout début. Ce n'est pas pour elle, ce n'est pas son emploi. Silence! Regardez bien vous autres, et après vous me direz ce qui vous a rassemblé mauvais. Ça n'a pas été pour moi un complexe, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens éminemment intelligents, au sens où ils ne vous montraient pas que vous étiez vraiment inculte. Ce qui importe, c'est moins d'obtenir un diplôme que d'avoir appris quelque chose. La République française offre la possibilité à des gens qui n'ont pas de facilité sociale au départ, de pouvoir s'en sortir à un moment donné. Ne faites pas de comédie ici, jouez là. Moi, je savais ce que je ne voulais pas, puis après, je me disais, je me donne le choix de ce que je peux avoir. Mais j'avais des idées très précises sur ce que je ne voulais plus. Nous avons tous les mêmes parents. Quand j'étais jeune, les miens ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux. Je découvre petit à petit qu'on est dans un pays de statut. Le statut est important. Donc tout ça, je le découvre au fur et à mesure. Et je le découvre aussi grâce aux gens que je rencontre et qui me font confiance. Qu'est-ce que ça fait si tu as confiance dans ton personnage? moi, j'étais pas dans la tactique ou le calcul. J'étais intéressée par ce monde ouvert sur d'autres sujets, sur d'autres milieux que le mien. Voilà. Joue trompe-l'œil. D'ailleurs, au théâtre, il faut transposer. Le naturel doit être un naturel de théâtre. Il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas vous retourner. Et tout ça vous apprend à vivre. Et puis, mais vous apprend aussi, curieusement, à ne pas renoncer. Alors, si demain le jury ne vous récompense pas selon vos mérites, vous ne manifesterez pas votre mauvaise humeur, hein ? Pas de crise de nerfs, de la dignité. Bien sûr. Vous ne m'attendiez pas, madame. Et je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Vous voyez à peu près le patron que j'ai et son profil. Je vais aller le trouver et je lui parlerai. Je n'ai pas nommé Rachida à l'intégration. Je lui ai demandé d'être ma porte-parole. Et d'ailleurs, elle fait très bien. Tu disais qu'à force de jouer la comédie, on finit par s'imaginer que la vie est une farce, c'est vrai, mais il faut y croire. Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Et tous les petits mots, les cadeaux, les chaussons. Vous m'avez habillé Zora, je veux dire pour l'hiver, mais pour le printemps, l'été et le prochain hiver. Rien n'est faux. Il suffit d'avoir un peu la foi et tout devient réel. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Ah, merci à tous et bonne année. On va partager la galette ensemble. Non, on va la distribuer. Je vous en prie, allez-y. Ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Sarah Bernhard en fit sa philosophie. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre patiente tragicomique, revenons au sein du ministère, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques bernhardtiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute frappadingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Wouh! Ouais. Ouais. Ouais, je t'aime bien, Sarah Bernhard. Car quand on te réclame, tu déclames et le public t'acclame. Ça t'excite, hein? T'as le feu à la rampe ou quoi? Ici, j'ai un pote qui s'appelle Eddie. Il se barbouille d'hémoglobine et il déclame du Malraux. On l'appelle Trash Eddie. Toi, Sarah, c'est la tragédie. C'est presque pareil. Sarah, tu as joué les grands rôles. Plusieurs fois, grâce à toi, sur scène, le Phèdre a repassé. Allez, classique. Tu prends Racine, c'est comme un arbre qui pousse. Tu prends Claudel, si ça marche, tu te fais ton beurre. Mais le plus dur au théâtre, c'est d'apprendre le texte. Surtout quand t'étais farci des pièces compliquées comme pédéraste et médisante. Regarde le mime Marceau, il est plus malin, lui. Ouais, t'aurais dû faire comme lui, surtout avec ta jambe de bois. T'aurais pu jouer la mère de Pinocchio. Je suis trop con. Ouais, t'as joué dans Hernani aussi. Hernani discale. Je suis trop con. Ça fait mal. Aïe, aïe. J'ai le nerf qui est coincé. Aïe, aïe, aïe. Je serai seul quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres. Ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine. Oh, Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir. Sarah Bernard de la chanson française. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une scellée. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques. Et le ministère psychique a bien noté la complexité mentale de Sarah Bernard, la star des tragédiennes qui faisait virevolter les mots d'auteur sur les planches, mais qui avait aussi parfois, dans la vie, des mots cruels. Elle avait parfois des mots cruels. Un jour, dans sa loge, elle reçut la visite d'une dame qu'elle connaissait d'ailleurs à peine et qui était en grand deuil. Alors elle lui dit, « Tiens, vous êtes en deuil, qui avez-vous donc perdu ?» La dame a répondu, « J'ai perdu mon père. Oh mon Dieu, quelle horreur, votre père que j'ai connu, qui était si charmant. Mais ce n'est pas tout, Madame Sarah. Quoi donc encore ? Eh bien, j'ai perdu aussi mon mari. Votre mari ? Cet homme charmant avec les grandes moustaches, oui. Il est mort, mais c'est affreux, mais c'est horrible, ce n'est pas tout, Madame. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc encore ? Vous savez, mon fils, eh bien, il est mort. Il est mort accidentellement. Oh, c'est abominable, dit Sarah Bernard, qui commençait un peu à se fatiguer. Et l'autre continuait, encore, ce n'est pas tout, madame. Et ma grand-mère est morte dans un ascenseur. Mon Dieu, mais c'est affreux tout cela. Oh oui, madame, c'est affreux. Quelquefois, je me demande, mon Dieu, je me demande si je ne devrais pas me tuer. Et madame Sarah lui a dit, c'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une mauvaise idée. Et nous, au ministère psychique, nous pensons que c'est une très bonne idée de libérer mademoiselle Sarah Bernard. Allez, hop, dehors la Bernard. Allez brûler les planches, mais préservez les glands. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 33e consultation déjantée du ministère psychique, consacrée ce matin à une diva du théâtre, Sarah Bernard. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même, remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Fabrice Desmaz, merci beaucoup, c'était parfait monsieur Desmaz. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, la sœur de Sarah, mais aussi à Yvan Maugelet et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Elsa Denac, notre stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, le ministère psychique se fait une joie de retrouver dans la reine Marie-Antoinette. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?